Salut, ici Denis Talbot, Frank the Tank, Ian Richards, de l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné, votre animateur, et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve les trois amigos, les trois comparses, nous autres, sur le show. J'accueille premièrement Daniel Carosella. Salut Daniel. Salut notre animateur. Bonjour collaborateur. Et aussi Luc Desormeaux. Salut Luc. Salut toi, l'animateur sans visage. Pourquoi sans visage? Juste de même. Je comprends l'homme pas. Sans visage, juste une voix. Un no-face animator. Oh ouais, c'est ça. Cette semaine, beaucoup de matériel. Premièrement, je veux savoir vos critiques. Daniel, de quoi tu vas nous parler? On va parler vroom vroom, on va parler Mario Kart. Ah, ta boy. Luc, de ton bord? Moi, je vais m'en parler d'un jeu mettant en vedette une grosse boule rose. Qui s'appelle Kirby. Ah, ok. Je pensais à un pinball. Non, ils ne sont pas roses, normalement, ils sont comme chromés. Ou un jeu de Pokémon, genre avec Jigglypuff. Là, ça aurait... Ouais, c'est ça, mais non, Kirby. Ok, c'est bon. Donc, Mario dans ce cas-ci. Moi, je vais vous parler cette semaine de Trials Fusion, une série de jeux que j'adore et j'ai hâte de vous parler du dernier volet. J'ai quelques petites réticences sur celui-ci, mais je ne m'aventurerai pas trop loin pour le moment. On va faire nos fails, nos wins de la semaine, parce qu'on en a une. D'ailleurs, je veux commencer avec ça, puis après ça, on ramassera le fun par après. Luc, tu as eu un petit peu d'aide de la part de Microsoft et tu voulais le souligner. Ben oui, c'est parce que des fois, on aime ça, leur lancer des tomates, mais des fois, c'est de donner des fleurs sans nécessairement pitcher le pot. J'avais demandé une copie d'un jeu parce que, bon, vous le savez, si vous écoutez l'émission régulièrement, j'ai fait une critique d'une application pour la perte de poids puis l'entraînement et tout ça pour suivre votre bouffe, ce que vous mangez dans une journée. J'ai demandé à Microsoft d'avoir une version d'un jeu Kinect pour l'entraînement. Donc, j'ai demandé Nike plus Kinect, donc le Nike Training Kinect. Puis, ils ont acquiescé à ma demande, ils ont envoyé ça, puis j'ai reçu un message disant ben il n'est plus disponible, on n'en a plus ces tablettes pour envoyer. Donc, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va te donner des crédits Microsoft, puis tu le downloaderas. Donc, ils m'ont envoyé le montant que ça coûte pour acheter le jeu sur le Xbox Live magasin. Puis, je l'ai téléchargé. Donc, ils ont comme contourné ce qu'ils font d'habitude pour me permettre de l'avoir. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment gentil de leur part. Fait que je vais pouvoir en faire la critique plus tard. Ben, avec les téléchargements aujourd'hui, pourquoi pas, tu sais? C'est ça, mais tu sais, je pensais qu'ils m'enverraient soit un code ou comme ça, mais Microsoft sont forts sur envoyer les DVD, puis je trouve ça bien correct. Ils m'ont aussi donné un jeu Xbox Live dont je vais faire la critique bientôt. C'est Max Curse of the Brotherhood. Mm-hmm. Donc, je vais faire ça dans probablement une couple de semaines ou peut-être la semaine prochaine, dépendant si j'ai le temps de jouer assez. Mais j'ai trouvé ça bien que, tu sais, ils étaient supposés m'envoyer un DVD, puis c'est ça. Puis là, ils ont comme trouvé une autre manière de le faire. Puis j'ai reçu un email en disant on est vraiment désolé du contretemps. Puis voilà des codes pour le télécharger. Fait que je trouvais ça bien. Bien gentil de leur part. Ah, c'est le fun. Le jeu, d'ailleurs, Max, The Curse of the Brotherhood, qui se ramasse gratuit sur Xbox 360 pour le mois de juin avec la nouvelle plateforme de Game with Goals. Mm-hmm. Pour les gens là, qui sont abonnés Xbox Gold pour contrecarrer là, le PSN Plus du côté de Microsoft. Donc, c'est une belle initiative. Ça compense. Puis, c'est les joueurs qui sont gagnants hein, d'avoir de la compétitivité. C'est toujours agréable. Donc, ouais. C'est à suivre. Oui, c'est bien. Puis juste pour y avoir commencé à jouer, c'est un jeu qui va valoir la peine d'être téléchargé. Mm-hmm. Yes. Ouais. Je plus sois. Oui, oui. Ensuite, j'ai joué. Daniel, toi de ton côté, tu avais un fail. Tu voulais nous parler de GameSpot et un... Écoute, je me fais moi-même un doigt d'honneur. Je me pointe sévèrement du doigt et je me juge parce que moi aussi, je suis tombé dans le panneau. Non, non, mais attends, ton doigt d'honneur. Je vais parler de mon autre affaire parce que là, on est dans le positif. Ah, okay. Fait que je vais parler de mon de GameSpot tantôt. tu me permets-tu de plugger, de repluguer en fait ce qui s'en vient en fin de semaine? L'événement donc, Nintendo Karting. Oui. Ben en fait, c'est pas tant pour l'événement Nintendo plutôt que pour ma présence. Donc je serai présent à l'événement de karting de Nintendo en début d'après-midi avec mon petit frère qui n'est pas si petit que ça, il est à peu près aussi grand que moi, c'est-à-dire 7 pieds 9. Avoir la chance de rencontrer un dieu vivant, c'est ça. C'est hot, là. Ben oui. Non, c'est ça. Je vais être présent à l'événement de karting qui prend place à... Le méchant dans 300, c'est toi, hein? C'est ça, hein? 7 pieds 9, exercice. Ouais, un peu moins efféminé. En effet. Moins de maquillage. c'est ça, ça prend place à l'Action 500 karting sur la rue Hochelaga à Montréal. Donc, beau petit endroit de karting, comme je l'avais dit dans le précédent show. J'y étais allé dans le cadre du lancement de Mario Kart Wii. Fait que j'ai bien hâte d'aller faire la course et peut-être de faire rentrer dans le mur mon frère, mais ça, on verra. À suivre. Je sais pas, je vais peut-être être responsable d'un fratricide. On verra. Fait que voilà, c'était ma petite annonce pour vous dire qu'en début d'après-midi, je serai là, mais c'est ouvert de 11h à 17h et il va y avoir des prix à gagner si vous êtes bon au karting. Ouais, parle-nous de GameSpot là, maintenant, là, que je lâche le finger envers ma personne. Comment ça va mal aux doigts? Je le maintiens, là. En fait, ce qui s'est passé, bon, à moins que vous viviez sous une roche, vous le savez, ça a été le lancement de Watch Dogs. Jeu très attendu. D'ailleurs, Ubisoft a annoncé que c'est son plus gros vendeur pour une première journée de mise en vente de toute son histoire. Donc, le jeu a beaucoup pogné. Ça a causé certains désagréments avec toi, JB, pour se connecter sur le service Uplay. Ah, moi, ça me fait capoter. Si tu savais le nombre de monde que j'ai croisé, je pense entre autres à Jonathan Milter du Geek Collectif, lui aussi, Uplay, ça marchait pas. Moi, là, j'ai trouvé la technique, là, sur... En tout cas, sur la One, là, si vous avez le message qui vous dit « Ah, les serveurs Uplay sont pas prêts », bon. Ce que tu fais, c'est que tu refais des demandes tout le temps. Ben, à un moment donné, tu te faufiles. Moi, c'est le même, ça a marché. Première fois, je suis « Bon, ça marche pas. OK, je vais aller retourner jouer à Assassin's Creed 4. » T'sais. Ça, ça marche. Ironie. T'sais, c'est la même compagnie, là. Mais non, ça marchait d'un bord, pas de l'autre. Je pense que la demande a été très forte. Je sais qu'il y a eu aussi des problèmes avec l'application mobile. Mais c'est pas pour ça que je veux parler de GameSpot. C'est que la journée du lancement de Watch Dogs, bon, quand les serveurs ont planté, comme n'importe quel jeu populaire qui vient d'être lancé, GameSpot a dit que les serveurs Uplay d'Ubisoft avaient été piratés. Donc, c'était un peu une ironie du destin, tu sais. Tu lances Watch Dogs, tes serveurs sont piratés et tout. La nouvelle a fait le tour web. Moi-même, je l'ai partagé. Et ceux qui avec qui je suis en contact sur les réseaux sociaux le savent. Je suis une brute là-dessus. Je contre-vérifie tout le temps. Je suis le premier à dire « Ah, ça, c'est pas vrai. » Des légendes urbaines ou trouver les vrais articles. Je me fais une priorité de toujours sortir les vraies infos. Puis là, ben, GameSpot, je les croyais crédibles. Et à l'avenir, je vais toujours les contre-vérifier. Eux autres aussi, ils viennent de tomber sur la blacklist. Mais ça a même affaire pour toi et pour du monde sur Twitter. Hein. Ouais, je sais bien. Ben, en fait, on peut peut-être expliquer pourquoi que dans le fond ils sont sur ta blacklist. C'est que GameSpot a pris ces informations de vieilles nouvelles. Les nouvelles dataient de 2013. L'année passée, oui, c'est vrai, les serveurs Uplay d'Ubisoft ont été piratés. Mais pas là. Ça date d'il y a un an. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est ça qui est arrivé. GameSpot a repris cette nouvelle-là, a dit que dans le cadre du lancement de Watch Dogs, les serveurs avaient été piratés, mais ça datait de 2013, leur source. Ils ont fabriqué une nouvelle, autrement dit. Ben, en tout cas, ça a pogné beaucoup parce que ça a été énormément partagé. Et là, le monde s'est mis à rire d'en face d'Ubisoft en disant « Vous avez lancé un jeu de piratage, puis vous êtes fait pirater. » Mais... ça datait de l'année passée. Fait que, dans le fond, en fait, en anglais, on dirait un fail. En français, on va dire un coup de gueule à GameSpot. Et je veux pas partir en guerre contre eux, mais je pense que ça fait partie de la baisse de qualité globale que j'ai observée depuis quelques années. Depuis que les vieux de la vieille sont partis, GameSpot n'est plus ce que c'était. C'est malheureux. Je dis pas qu'il y a pas du bon monde sur GameSpot. Il y a encore des bons rédacteurs, des gens qui s'y connaissent. Mais il y en a d'autres que ça fait un petit peu plus dur. Un peu comme Kotaku aussi qui a pris. Ouais, depuis le débarque. Ouais, depuis le départ de Brian Crescente. Ça, en tout cas, ça va plus ou moins bien pour Kotaku. Fait que voilà, c'était mon petit coup de gueule à l'endroit de GameSpot. Moi, j'en ai deux et sur le même film en plus. J'en ferai pas les critiques parce que je pense pas. Je suis pas le plus grand suiveur de l'univers des X-Men. Donc, je veux pas faire la critique de A Days of Future Past. Il y a des gens mieux placés que moi. J'ai apprécié l'expérience, mais je la trouve pas mémorable. Dans le sens qu'il y a bien des scènes que j'ai. Tu sais, ça fait 3-4 jours que je l'ai vu. C'est déjà oublié, puis j'ai pas nécessairement le goût de revoir le film comme le dernier Spider-Man. J'ai le goût de revoir le film, j'ai eu du fun, j'ai eu du plaisir, c'était pas mal plus intrinsèque, c'était vraiment du fun pur. Là, X-Men, c'est plus cérébral, c'était pas tout à fait ce que je recherchais comme divertissement, mais il y a des gens qui vont avoir capoté. Il y en a plusieurs qui disent que c'est le meilleur des X-Men jusqu'à maintenant. Moi, ça n'a pas accroché, donc je pense pas être le mieux positionné pour pouvoir faire la critique. Sauf que j'ai quand même deux trucs sur ce film-là qui m'ont accroché. Premièrement, la scène de durant les crédits à la fin. Depuis la nouvelle vague des films de super-héros, il y a toujours une fameuse scène cachée durant le générique. Et c'est toujours drôle de voir les gens quitter parce que tu fais comme, OK, ça fait 12 ans qu'il y a des scènes des génériques, t'as pas allumé encore. Ah, tant pis pour toi, moi je suis le premier à me retenir de dire aux gens, ouais, reste donc assis. Non, non, allez-vous-en, moi j'ai payé, puis je vais avoir ma scène, puis pas toi. Fait que t'as bien qu'à être au courant. Dans ce film-là, je pense qu'on a poussé au plus loin, au plus ridicule, cette façon de faire, cette notion de mettre une scène à la fin. La scène, elle est à la toute fin. Souvent, on va la mettre dans le milieu du générique. Tu sais, question que ce soit pas trop tard. T'as 2 minutes, 3 minutes de générique, puis après ça, on te la met. Là, c'est vraiment à la toute fin. C'est quasiment 10 à 12 minutes après la fin du film que t'as la scène. Elle dure à peu près 4 secondes. Tu vois le visage d'un personnage pendant 1 seconde. Merci, bonsoir. Y a pas un mot qui se dit, y a rien. Je me demande jusqu'à quel point c'est pas rendu l'exemple comme quoi on est rendu trop loin dans cette quasi-obligation d'avoir une scène de post-générique pour teaser le prochain film. Rendu là, laissez donc faire. Mettez-en pas, ça va être correct, on va vous aimer pareil. Le film était bon, j'ai eu du fun. Puis sans cette scène-là, j'aurais pas été genre déçu, tu sais. Là, je l'ai, puis je trouve ça plate, j'ai perdu mon temps, puis j'ai l'impression qu'on m'a niaisé. Ouais, mais c'est un peu, quand j'avais vu aussi Spider-Man, puis il y a une scène, puis c'est clair, Sony s'est fait payer par Fox pour mettre un teaser de X-Men à la fin de Spider-Man, puis on a attendu parce qu'il y a toujours une scène pour le prochain film. Ah, ben, t'es même pas bien monté, hein? Ça avait l'air tellement garoché, là. C'est comme, ils ont juste mis un tu sais, ils ont comme, c'est pas comme un teaser, ils ont juste foutu un trailer à la fin. Tu sais, c'est pas une scène qui rajoute quelque chose ou qui te fait poser des questions, à savoir, ah, c'est qui ce personnage-là? Puis ça, c'était tout simplement un bout du film qu'on a foutu là, puis that's it. Ça a l'air tellement bâclé. On dirait qu'une semaine avant que le film sorte en salle, Fox a appelé Sony et dit « Hey, ça vous tenterait-tu si on vous donne un petit 3, 4, 5 millions de juste mettre ça à la fin de votre film pour attirer les gens vers le film d'X-Men comme si X-Men avait vraiment besoin de ça dans le fin fond aussi. » J'ai trouvé ça assez ordinaire. J'avais trouvé que c'était vraiment comme... C'est même plus du fan service. Au départ, c'était censé être ça. C'était censé être une récompense pour le vrai fan. T'sais, le reste du film, on t'explique. Puis même si t'es un néophyte du domaine des bandes dessinées, j'en lis pas beaucoup des bandes dessinées, mais je suis capable de suivre. Je connais un peu les grandes lignes des différents personnages. Puis souvent, Electro, c'est la première fois. Je le connaissais, j'avais déjà vu un peu ce qu'il faisait, mais c'est la première fois vraiment que j'avais connaissance d'une histoire de lui. Je parle du dernier Spider-Man. Fait que tu sais, je suis pas nécessairement un public néophyte, mais je suis pas un spécialiste non plus. Puis la scène de fin, souvent, moi, je la comprenais pas. Je la voyais, OK, c'est intéressant, ça me donne le goût de voir le prochain film, mais j'étais pas de ceux qui la comprenaient. Là, je pense que même si tu la comprends, tu te dis, pourquoi? T'sais, c'est même plus rendu un fan service, c'est vraiment juste écoute, on va vendre à, ouais, c'est une pub, c'est, on va vendre à quelqu'un d'autre au pire, tu sais. On dirait qu'on est obligé. On a une formule puis on est comme menotté, on n'a pas le choix. Puis ben écoute, vu qu'on n'a pas le choix, hein, on se débarrasse un peu, tu sais. Je trouve ça plate, tu sais, qu'on en soit rendu là. Je comprends qu'on se sent obligé dans les films qui viennent du studio Marvel parce que c'est comme rendu une tradition, puis le monde s'attend à ça. Puis des fois, c'est quelque chose de... C'est rien de super important. Juste à la fin des Avengers, quand ils sont tous au restaurant en train de manger un shawarma, tu sais. C'est juste un payoff. C'est t'sais. Juste drôle parce qu'ils sont brûlés. Ils viennent de se battre pour leur vie, pour sauver la ville de New York, puis de la Terre, puis ils sont juste en train de bouffer leur shawarma. Puis, tu sais, dans les films, souvent, ça mange pas nécessairement pour de vrai, tu sais. Là, ils mangent pour de... Ils ont toute la bouche pleine. Puis c'est drôle de voir Chris Hemsworth, t'sais, en tort, à manger son shawarma avec la bouche pleine. Puis c'est comme s'il était au restaurant seul, en train de bouffer, tu sais. C'est juste drôle. Chris Evans, d'ailleurs, il cache son visage tout le long de cette séquence-là parce qu'il avait commencé le tournage d'un autre film où est-ce qu'il y avait une barbe de son personnage et ça aurait comme pas fait de sens de voir Captain America 4 secondes avant, pas de barbe, puis là avec une barbe, tu sais. Ouais, mais c'est un super soldat, peut-être ça pousse vite. Ouais, peut-être. Mais bon, tu sais. Il se rase entre les combats. Au moins, ça servait à quelque chose, tu sais. Tandis que là. Rien pantoute. On dirait que la formule est un peu dépassée. Faudrait qu'il trouve peut-être un autre twist ou encore qu'il se force. Mais non, laissez ça à Marvel. Puis quand c'est un film qui vient d'un autre studio, faites juste laisser faire. Si vous avez rien à montrer, montrez rien. T'sais. L'autre truc par rapport au film d'X-Men, c'est. Puis j'en ai jasé avec Olivier Leblanc-Lucier du podcast Entre les cases. Tu sais, un spécialiste. Je me suis dit, je vais aller m'informer. C'est peut-être moi, ça m'a accroché. J'ai comme un bris de continuité. À la fin du dernier film de Wolverine, il se ramasse avec une transformation à ses griffes. Je ne veux pas te donner plus de détails. Pour les gens qui n'ont pas vu le film, je ne vais pas spoiler. Sauf qu'au début de X-Men, qui est censé être à la suite du dernier Wolverine, cette transformation n'est plus là. Quand il retourne dans le passé, elle y est. Quand il revient dans le présent, elle n'y est plus. Dans le film, la continuité, on explique le pourquoi à la fin du film, la transformation s'annule à la fin. C'est correct, sauf qu'au début du film, normalement, la transformation ne devrait pas être enlevée. Donc, il y a comme une erreur de continuité. Moi, ça m'a complètement enlevé. Je comprends qu'au fur et à mesure que le récit avance, le présent change parce qu'on transforme des choses dans le passé. Mais c'est comme pas logique. En tout cas, pour les gens qui ont vu le film, qui sont des amateurs de Wolverine, regardez ça, vous allez capoter. Moi, en tout cas, ça m'a flashé tout le long du film. Je comprenais pas la continuité des griffes de Wolverine. OK. Et je dis ça, c'est une critique, je suis pas content, mais comme je veux pas spoiler rien, c'est aussi flou que ça. Avis aux gens qui ont vu le film, puis vous allez me comprendre. Les autres, tant pis, allez le voir. Bon, que voulez-vous? Ben, c'est ça, à un moment donné, ça va être ça. À un moment donné, là, je peux pas... hein? Non. On y va-tu à la critique? Tombons dans le cœur du sujet. Luc, je veux que tu me parles de Kirby Triple Deluxe sur 3DS, jeu que Nintendo t'a prêté. Oui, j'ai eu ça. Ben, j'ai été comme pressé de le jouer parce que j'ai reçu Kirby et Mario Golf dans la même semaine et je les avais pour 2 semaines. Donc, j'ai consacré une semaine au golf, une semaine à Kirby. Donc, Daniel, c'est super bon que tu les aies joués aussi dans ce temps-là parce que des fois, je peux peut-être oublier des petits détails. C'est bon, mais je vais te donner un coup de main. Mais Kirby, moi, c'est un personnage que j'aime vraiment. C'est coloré. Faut donner une chose à Nintendo. Des fois, là, les jeux qui sortent bon récemment sont pas nécessairement tous excellents, mais faut leur donner la créativité de mettre la couleur, de rendre l'univers intéressant. C'était comme ça dans Mario et Luigi. C'est Dream Team, des choses comme ça. Puis même Mario Golf, c'est super coloré. J'aime l'univers de Nintendo pour ça. Il y a des couleurs, c'est pas sombre. C'est à un moment donné, ça vient plate, le sombre. Là. Kirby, ben c'est vraiment ça. C'est coloré. Ton personnage est rose. Regarde, je veux dire, tu peux difficilement aller plus coloré que ça. Donc, c'est quoi Kirby pour ceux qui vivaient en dessous d'une roche jusqu'à dernièrement? Ben c'est un platformer. C'est un peu comme un Mario, mais avec Kirby, qui est un personnage qui a des pouvoirs assez spéciaux. Il peut bouffer à peu près tout ce qu'il y a sur le tableau en l'aspirant. Il y a aussi l'option de soit leur recracher une étoile pour endommager les ennemis ou envaler cette étoile-là pour... souvent, ce que ça va faire, c'est que ça... Envaler l'ennemi, puis ce que ça va faire, c'est que si l'ennemi a un pouvoir, ça va... Il va absorber aussi son pouvoir. Donc, on peut avoir des pouvoirs différents des épées, lancer des choses. Il y a un pouvoir que je trouve vraiment très drôle, où ce qui se transforme en une roche. Puis tu peux te transformer en roche comme 4-5 fois, puis il va avoir des formes différentes. Il y en a un que c'est un personnage, un torse d'être humain avec les bras en position de regarde mes muscles. C'est vraiment le fun, c'est vraiment comique. Mais c'est un pouvoir qui sert, mettons, plus ou moins grand-chose dans bien des tableaux, mais quand vous êtes dans un tableau avec une espèce de pente, ben la roche, elle va glisser, puis elle va tuer tous les ennemis en descendant. Fait qu'il faut savoir utiliser le bon pouvoir pour les bons ennemis ou le bon tableau ou le bon boss, mais c'est ça qui est intéressant. Une chose aussi qui est le fun, mais qui rend aussi le jeu un peu facile, c'est que Kirby est capable de voler. Donc Kirby, si on décide, on peut voler au-dessus d'à peu près tous les ennemis puis se rendre jusqu'au bout du tableau sans vraiment faire grand-chose. Il y a des tableaux que ça se fait pas parce qu'il faut passer dans des tunnels, des choses comme ça, mais il y a des tableaux où ça se fait très bien, voler dans les airs, te rendre jusqu'au bout puis sortir, ça se fait. On a aussi, bon... Faut dire que c'est la branche enfant là, des plateformers. Ouais. C'est pas Donkey Kong qui vise un public vraiment plus mature, plus hardcore, là. Non, on vise carrément les enfants. Mon fils de 8 ans a passé à travers le jeu. Bon, c'est cool. Fait qu'il a aimé ça, il a eu du fun, il est pas mort trop souvent, je l'ai pas entendu chialer à tout rompre. Fait que c'est quand même assez bien, il a réussi à passer à travers. Fait que oui, c'est un jeu qui va intéresser les enfants puis qui va faire que les enfants vont s'amuser et pas juste, comme dans Mario, au moment donné, chialer parce que sont pas capables de passer ce niveau-là. Donc, puis on n'a pas besoin de... Dans Mario, à un moment donné, on nous donne un pouvoir spécial. Je me rappelle, dans le dernier Yoshi que j'ai joué, à un moment donné, on nous donnait une plume, puis on pouvait voler, puis les ennemis nous endommageaient pas, puis on pouvait se rendre jusqu'au bout. On n'a pas nécessairement besoin de tout ça dans Kirby. Même si Kirby a des pouvoirs plus forts, à un moment donné, il y a un pouvoir où il mange une espèce de plante, puis là, il vient hyper puissant, puis là, il peut aspirer à peu près vraiment n'importe quoi. Un arbre qui est comme 5 fois sa grosseur, il va l'aspirer, il va le bouffer. C'est vraiment capoté. Il n'y a pas grand-chose qui va le ralentir. Donc, bon, le but, c'est de se rendre. On commence l'histoire, là. Kirby est en train de dormir, puis c'est un peu comme Jack et l'haricot magique, là. Il y a un gros haricot. Un haricot qui pousse. Une plante qui pousse, puis il se ramasse avec sa maison en haut, puis il s'aperçoit qu'il y a un autre monde là, puis bon, faut qu'il puisse se rendre jusqu'au bout pour sortir de du monde. Parce que Kirby, on le sait, ne s'était jamais levé les yeux au ciel. Non, il n'avait jamais regardé en haut. Donc, on passe à travers différents tableaux. Même s'il vole sur une étoile. Voilà, il n'a jamais regardé en montant ou en descendant dans le ciel en volant. Jamais. Jamais. Il s'en était pas rendu compte. Camouflé le même, là, tout coloré en plus. Ça passe inaperçu. Là. C'est ça. Fait qu'il s'en va. Puis là, faut passer à travers. On a, bon, comme dans Mario, différents mondes avec différents tableaux. Ce que j'ai trouvé peut-être un peu plus difficile, parce qu'on rend le jeu facile pour les enfants, mais on le rend aussi un peu difficile, c'est qu'il faut avoir un certain nombre d'étoiles pour être capable de débarrer le monde suivant. Pour un adulte qui va jouer ou une personne, un gamer un peu habitué, va ramasser des étoiles, va penser à ramasser ça. Un enfant ne pensera pas nécessairement à chercher pour ramasser les étoiles qu'il faut. Puis il va arriver au bout, puis il aura passé d'étoiles pour débarrer. Fait que là, faut que tu retournes faire les niveaux, puis ramasser tes étoiles. Mais à un moment donné, tu peux débarrer, puis passer à ton prochain niveau jusqu'à temps que tu arrives au bout. J'ai pas eu le temps de me rendre parce qu'il a fallu que je retourne le jeu avant de me rendre au bout. Mais c'est un jeu qui est vraiment le fun. Je veux dire, c'est humoristique. Il n'y a pas rien de vraiment méchant. C'est pas hyper violent. C'est juste drôle de voir Kirby, de la manière qu'il marche, de la manière qu'il vole, absorber les méchants, voir les méchants essayer de sauver, de pas se faire envaler. Puis après ça, ben, t'as le choix de faire un peu ce que tu veux. T'sais, c'est un peu un mix entre Mario et Yoshi qui est capable de manger des affaires. Mais Yoshi va sortir un œuf quand on va envaler, ben lui, il va ramasser un pouvoir. Il y a à chaque fin de niveau, bon, il y a un boss, on a aussi un challenge qu'il faut peser sur le bouton dans le bon temps. On a une ligne qui monte, il faut peser sur le bouton dans le bon temps. Puis là, on a un score de 10 à 1. Puis à 1, ben, on a plus d'or, on a plus de cadeaux. On a des porte-clés qu'on peut ramasser dans le jeu pour bon, collectionner. Au bout de la ligne, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour rallonger la vie du jeu. Mais c'est on va chercher. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on joue sur deux plans dans l'écran. C'est qu'à un moment donné, on joue comme vers à l'avant. On peut mettre le 3D ou pas sur la 3DS, là, mais on joue comme sur le plan avant. On voit que dans le fond, il y a comme un autre passage. Il y a comme à peu près semblable à ce qu'on a en avant, mais il y a d'autres ennemis, il y a d'autres plateformes, il y a des choses à aller chercher. On va voir une étoile à aller ramasser. Mais là, on se demande mais comment je vais faire pour aller au fond. Le moment donné, Kirby va trouver une étoile. On embarque sur l'étoile. Puis là, l'étoile nous amène dans le fond de l'écran. Puis là, on s'aventure dans ce qu'on regardait plus loin, qui est comme pas sur le premier plan, mais dans le deuxième plan en arrière, comme dans le background. Puis là, on va là. Puis là, on a d'autres ennemis à tuer. On a d'autres choses à faire. Puis là, on peut revenir en avant. Fait que c'est le fun. On joue avec les profondeurs. Puis tout ça, sans que ça soit trop... tu sais, le 3D n'est pas nécessaire. Même si on l'enlève, on a quand même l'effet de ce du niveau, là. Mais j'ai trouvé ça amusant de pouvoir changer de profondeur, passer par ailleurs, pas nécessairement par le chemin qu'on pensait qu'il fallait passer. Des fois, il faut se casser un peu la tête pour savoir, ah, OK, il faut que je passe en arrière pour pouvoir aller chercher l'autre chose ou passer par en dessous. Fait que c'est vraiment un jeu qui va... Il y a plusieurs couches. Il y a plusieurs couches, mais c'est jamais difficile. Si on prend le temps un peu, si on arrête 30 secondes, on va dire, ah, OK, ouais, faut que je passe par là. OK, c'est pas quelque chose, c'est pas un gros puzzle, là. En regardant, normalement, on va trouver ça assez vite. Mais les enfants pourraient trouver certains puzzles un peu plus compliqués. Fait que ça se peut que si ils viennent vous voir, vous dire hey, comment je passe ce niveau-là? Ben là, vous l'aidez. Si vous ne connaissez pas ça, ben vous regardez sur Google. Ça va vous allez trouver une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui l'a fait pour vous. Sûrement, oui. Ouais. Mais c'est un jeu qui est vraiment le fun. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir pour le temps que j'ai pu passer dessus. Là. Je l'aurais joué encore. Je serais probablement encore en train de le jouer aujourd'hui si je l'avais encore. Mais je l'ai retourné. Mais c'est. T'sais, c'est vraiment intéressant. T'sais, on dit, bon, t'sais, des fois, Nintendo, bon, c'est du réchauffé. Ça, c'est une histoire nouvelle. C'est un nouveau jeu de Kirby. C'est pas quelque chose qu'ils ont pris d'une autre plateforme et qu'ils ont juste refait pour la 3DS. C'est vraiment une nouvelle aventure. Il y a trois modes de jeu. Il y a le jeu aventure où on passe à travers les niveaux comme à la Mario. Il y a un mode combat où on peut se battre contre d'autres personnages de l'univers de Kirby. C'est vraiment comme un Street Fighter, mettons, mais c'est bien léger. Puis on a aussi un mode musique où on prend un personnage puis on faut suivre le beat de la musique en tapant sur des tambours. Puis là, ça fait qu'on a aussi ce style de jeu-là. Fait qu'on a trois jeux différents dans le jeu, d'où le triple de luxe, le triple de luxe. Ooh. Il y a trois jeux dans le jeu. Le jeu de la musique, j'ai joué un peu, puis ça... T'es plate. Ça n'a pas pris trop de temps que je me suis tanné. Le jeu de combat, je me suis dit, ça manque de sang et de violence. Ouais, non, mais... c'est ça, c'est douillet un peu, hein, Kirby. Hein? Ouais, tu sais, non, mais c'est drôle pareil. Mon fils l'a joué, il trouvait ça drôle de taper les autres bonhommes avec Kirby ou taper Kirby avec d'autres bonhommes. Fait que c'est le fun pour les enfants. Les adultes vont venir. On a joué d'autres jeux de combat avant, un peu plus évolués. Ça ne sera pas nécessairement votre tasse de thé. Mais le jeu d'aventure, lui, vaut absolument la peine d'être joué. Mmh. Fait que si vous avez une 3DS, ben c'est un des jeux que ça vous prend sur votre 3DS. Si vous aimez le genre platformer, le genre Mario, moi, je vais y donner un bon petit 8.5 sur 10. Très intéressant. Il est super le fun. C'est super beau. Jouez avec le 3D si vous êtes capable. Par bout, ça dépend toujours comment est-ce qu'on est placé. À un moment donné, le 3D, je trouvais que le 3D n'était pas nécessairement clair, mais c'est peut-être de ma faute. Là. Parce que à un moment donné, je la tenais puis c'était vraiment super beau. Des fois, on dirait que je perdais, mais c'est peut-être la manière que je joue parce que je suis poche. Mais non, mais tu sais, je suis pas habitué de jouer avec la 3DS, fait que je la tiens pas nécessairement toujours peut-être correct, là. Mais les profondeurs sont belles. Ça donne vraiment un look. Tu sais, c'est pas gimmick, là. Ça donne juste une petite profondeur au jeu. Ça donne un peu de panache au niveau dans lequel on joue. Il y a toujours l'écran du bas que personne ne regarde, là, mais on peut s'en servir pour relâcher un pouvoir qu'on a ramassé pour pouvoir en ramasser un autre. ou faire d'autres choses, parce que des fois on a un pouvoir puis on peut pas manger l'ennemi en avant de nous autres, on peut pas tant qu'on a un pouvoir, le pouvoir est différent, il n'y a pas le pouvoir d'absorber, il y a le pouvoir de, mettons, envoyer des flèches ou quelque chose comme ça, le pouvoir d'absorber est plus là. Fait que si on veut absorber quelque chose d'autre, ben on relâche le pouvoir en appuyant sur le bouton, il va lâcher l'étoile avec le pouvoir, puis on va pouvoir ramasser un autre pouvoir ou manger un ennemi ou des choses comme ça. Il y a des petites tactiques comme ça qu'on peut faire, mais c'est vraiment léger, léger. C'est fait parfait pour les enfants. Comme j'ai dit, mon fils de 8 ans a passé à travers en dedans de la semaine, en jouant, tu sais, par les soirs comme ça. Fait que c'est un jeu parfait si vous avez des enfants qui cherchent un petit jeu d'action, aventure, plateforme, qui n'est pas trop difficile. C'est un bon jeu. Me permets-tu de renchérir très rapidement? Non, pas du tout. OK, bon ben, tout bad. C'est interdit. Jean-Benoît exclut Luc de cette conversation. Je m'insurge et je m'implique dans la critique. Ah ouais, vas-y, vas-y. En fait, c'est Triple Deluxe, mais il y a un quatrième mode aussi. Je ne l'ai pas eu assez longtemps. J'ai pas la chance d'avoir les jeux assez longtemps comme toi, oui, pour approfondir mes connaissances. Mais c'est pour ça que moi, je renchéris en vous disant que... Appelle-moi pas chéri. Non, non. Non, non. Non, excuse ma blonde, t'as l'air de moi. Mais en fait, il y a un quatrième mode qui vous permet de prendre le contrôle de King DDD. Et là, pour la gang de podcasts et Gumballoon, si jamais ils veulent nous parodier à nouveau, je sais qu'ils m'avaient appelé Salamèche, mais là, il va avoir le roi d'Adidou. Parce que le King DDD est traduit par roi d'Adidou. Mm-hmm. Vous pouvez prendre le contrôle de roi d'Adidou. D'Adidou. Puis là, dans le fond, on refait les tableaux normaux, mais avec ce personnage-là. Avec le roi d'Adidou. Ouais. Je m'habituerai jamais. Mais dans Kirby, sur la Wii, on peut choisir le personnage avec qui on peut jouer dans le jeu. À ce que je sache, dans ce Kirby-là, on peut juste jouer avec Kirby, à part le roi d'Adidou. Quand un coup que t'as fini le jeu. Ben, en fait, dans Kirby Triple Deluxe, c'est que tu refais les tableaux de l'aventure principale, mais le plus rapidement possible. Puis le roi d'Adidou a des pouvoirs un peu spéciaux, donc différents de Kirby. Entre autres, il peut brûler des herbes. Il peut aussi frapper avec son gros marteau. Il peut toujours aussi voler comme Kirby en gonflant son ventre. Donc, c'est bien le fun. Honnêtement, j'ai été surpris par ça. L'aventure principale est le fun, puis l'aventure avec le roi d'Adidou aussi. Ben, non, c'est ça, c'est un jeu bien ben intéressant, puis c'est pas hyper difficile. Si j'avais eu juste un peu plus de temps, j'aurais pu passer à travers, parce que t'as des niveaux, tu peux juste voler, mais moi je me cassais toujours la tête. OK, où l'étoile? Il est où le porte-clés? Mais non, mais c'est bien le fun, tu sais, j'ai joué à pas mal toutes les Kirby qui sont sortis, puis celui-là, c'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, c'est un des bien, bien le fun auquel j'ai joué. Ah, bon, ouais. Ben c'est fun. Oui, ça vaut la peine. Est-ce que tu as eu autant de fun avec Mario Kart 8, Daniel? Là aussi, on parle d'une franchise de longue date chez Nintendo. Saura-t-elle se renouveler? Est-elle à la hauteur de sa réputation? Oui est-ce et que, non. Est-ce que c'est un game breaker? Parce que la Wii U a besoin d'un gros jeu, a besoin d'un jeu qui va faire vendre des consoles. Il y a beaucoup de monde qui se disait Mario Kart 8, c'est ce jeu-là. C'est celui-là qui va pousser les acheteurs. Est-ce que c'est à la hauteur de cette attente? Non, je vais mettre mes bémols là-dessus. Je pense pas, malheureusement. J'ai eu plus de fun avec d'autres jeux sur Wii U. Et je pense qu'il va falloir encore attendre pour un Game Breaker. C'est pas un mauvais jeu, Mario Kart 8, là, je vous rassure tout de suite. C'est un jeu qui vaut la peine d'être joué. Mais j'ai certaines réticences, j'ai certains bémols par rapport à ce jeu-là que je vais expliquer. Donc, Mario Kart 8, c'est un jeu de surf. Absolument. Non. Non, ben non. C'est un jeu de kart. Donc, en fait, c'est un jeu de cours. Quel blagueur. Oui, je sais. Non, mais on reprend vraiment la même formule que les autres Mario Kart. On a 32 pistes au total. Bon. Il y en a la moitié qui sont des pistes originales. Donc, mais Daniel, on peut-tu vraiment dire encore que c'est un jeu de kart? Pour vrai, on fait la joke, là, mais t'as des planeurs, t'as de l'antigravité, t'as des genres de quatre roues. Écoute, ça arrête plus. Là. On dirait que C'est plus du kart, là. C'est rendu juste un jeu de course. T'es en train de me devancer, là. je m'en vais là-dedans. Hey, on dirait qu'on joue un pirate dans un jeu d'assassin, là, tu sais. Oh, Jean-Benoît, franchement. Des liens, hein? Jean-Benoît, c'est pas beau faire des clins d'œil de même. Non, mais le pire, c'est que je viens de le finir, Assassin's Creed 4 Black Flag. C'est un très bon Assassin's Creed. C'est juste que tout le long, il compte les principes même des assassins. Il a comme vraiment pas compris de la mentalité, mais il a tout le talent. Parce que c'est un pirate. Eh oui. Ouais. Non, dans Mario Kart 8, en fait, on reprend les éléments des précédents Mario Kart. Et oui, je vais revenir sur les véhicules, mais au niveau des courses, il y en a 16 qui sont originales, il y en a 16 qui sont reprises des autres Mario Kart avant. Donc, je vais commencer par les originales. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les nouvelles pistes du jeu. Je trouve que globalement, Nintendo a fait un bon travail. La coupe étoile, à elle seule, regroupe trois des meilleures nouvelle piste. Mes deux préférées ont été celle qui prend place dans un aéroport. Donc, on a déjà vu dans une bande-annonce. C'est le fun parce qu'on se promène dans l'aéroport. On plonge même dans un avion qui est au sol. Et à un moment donné, on peut prendre un envol et on passe tout juste en dessous d'un avion là, qui décolle. Donc, belle piste. J'ai vraiment beaucoup aimé celle-là. Et mon autre piste préférée, ça a été le château de Bowser. Spécialement, dans le milieu de la piste, il y a une immense statue de Bowser, en tout cas, où il y a du feu à l'intérieur. Et elle frappe carrément la piste. Parce que, bon, arrivé à la hauteur de cette statue-là, la piste se divise en deux. Et la statue frappe la piste en alternance. Donc, un bord et de l'autre. Et ça modifie, en fait, ça fait des ondes sur la piste. Donc, ça peut modifier notre conduite. Faut l'éviter. Ben oui, il faut l'éviter. En tout cas, évitez au moins le point parce que sinon, vous allez vous ramasser dans l'ave. Donc, très bonne piste globalement au niveau des courses originales. J'ai beaucoup aimé la conception, et puis l'originalité dont Nintendo a fait preuve à ce niveau-là. C'est des pistes qui sont un peu moins grandes, je dirais, que les autres Mario Kart. Elles prennent moins de temps à être complétées. Sens-tu le réchauffé? Parce que t'as quand même la moitié qui viennent de d'autres jeux. Là. Puis si t'achètes le 8, t'as probablement acheté les autres d'avant, tu sais. Oui, mais il y a certaines modifications qui ont été apportées au classique. Mais juste pour les pistes originales, pour vous montrer un peu à quel point elles sont plus courtes, on sait tous que dans n'importe quel Mario Kart, la dernière piste, c'est la piste arc-en-ciel. C'est un classique dans tous les Mario Kart. Et cette fois-ci, la piste arc-en-ciel, elle prend place dans une fusée. Donc, on s'est beaucoup basé sur l'univers de Super Mario Galaxy. Puis, elle prend définitivement pas autant de temps à compléter que toutes les autres Mario Kart. Donc, c'est des pistes qui, globalement, sont plus courtes, mais qui sont aussi plus intenses. Donc, c'est pas mauvais là, qu'elles soient un petit peu plus courtes. Au contraire, je pense que ça fait des courses un petit peu plus enlevantes, un petit peu plus serrées aussi. Au niveau des pistes qui ont été reprises, Ça dépend de vos goûts. C'est pas des choix qui vont faire l'unanimité comme dans les précédents Mario Kart qui ont repris des pistes antérieures. C'est malheureusement pas des choix qui vont convenir à tout le monde. Moi, je sais que globalement, j'ai aimé ce que j'ai vu. Je pense entre autres à la piste Moumou de Mario Kart Wii qui a été reprise, que j'ai bien aimé revoir. Il y a aussi la piste arc-en-ciel de Mario Kart 64 qui a été reprise, qui est pour moi une de mes préférées dans les pistes arc-en-ciel des Mario Kart. Mais il y a certains autres choix un peu plus discutables. Moi, je sais que la piste que j'ai toujours détestée dans toutes les Mario Kart, c'est celle du circuit urbain de Toad de Mario Kart 64. Je trouve que c'est une course platonique au bout. T'sais, dans le fond, tu fais juste courir dans les rues en évitant des chars et des autobus. C'est pas super le fun. Et elle est dans Mario Kart 8. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est des choix discutables. Je sais qu'il y en a qui ont aimé la piste urbaine de Toad et qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais tu sais, ça devient à un moment donné des goûts personnels, tu sais. Au chapitre de la jouabilité, tu sais, c'est le même style de Mario Kart qu'on avait avant. C'est-à-dire que vous avez des pistes, vous courez, vous pouvez partir avec un boost en réchauffant votre moteur avant que finalement la course démarre. Vous devez encore aussi tirer profit des sauts et du drifting, entre guillemets, pour finalement avoir des poussées d'accélération. Les sous sont de retour sur les pistes. Les sous servent à deux choses. Premièrement, en les accumulant, vous allez débloquer des éléments de personnalisation pour vos véhicules, mais aussi à chaque fois que vous allez récolter un sou, vous allez avoir une petite poussée d'accélération. Donc, vous pouvez en accumuler jusqu'à 10 par course. Il y en avait où est-ce que plus tu avais de scène, plus ta vitesse maximale était élevée. C'est pas tout non. à fait ça, là. Non, c'est pas ça, là. Je veux dire, que vous ayez 0 scène ou que vous en ayez 10, votre vitesse maximale va rester la même. C'est juste qu'à chaque fois que vous allez toucher à un sou, même si vous en avez 10, ben, vous allez avoir une petite poussée d'accélération. Ce qui peut faire la différence en bout de ligne. Mais, ça n'a pas d'impact au niveau de la vitesse maximale. Ce qui est nouveau dans Mario Kart 8, par contre, c'est les segments antigravitationnels. Donc, il y a certains segments qui commencent généralement par une barre bleue où les roues vont se mettre à l'horizontale et là où vraiment vous allez défier la gravité. Vous allez finalement courir la tête en bas sur les murs. Donc, il y a des raccourcis aussi qui sont introduits par cette nouveauté-là. Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce que, d'une part, ça ajoute un élément d'action aux pistes. C'est le fun, tu sais, de courir, puis là, de voir à un moment donné son adversaire au-dessus de nous autres, puis qui court la tête en bas, tu sais. Puis le contraire aussi est vrai. Des fois, ça, c'est pas que ça donne mal au cœur, là, mais à un moment donné, tu sais, il faut vraiment que tu t'ajustes par rapport au fait que tu cours pas tout le temps en ligne droite. Tu sais, tu peux courir la tête en bas, sur le côté, etc. Puis c'est le fun aussi de découvrir les pistes puis le raccourci en voyant un peu où tu peux aller par rapport aux éléments antigravitationnels. On a ajouté aussi des segments antigravitationnels aux pistes classiques. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des pistes qui sont, disons, moins intéressantes, qu'ils deviennent un peu plus avec les éléments antigravitationnels. Je pense entre autres au circuit Mario du Mario Kart qui est apparu sur Game Boy Advance. C'est une course assez, disons, linéaire, mais là, au milieu de la piste, à un moment donné, la piste se soulève et il y a un segment antigravitationnel qui est introduit. Donc ça, c'est vraiment le fun parce que ça rajoute un élément comme de surprise. Puis t'es comme, OK, là, je cours dans les airs. Fait que c'est le fun, ça. L'élément antigravitationnel, pour moi, c'est une belle nouveauté. Évidemment, un Mario Kart, ça serait pas un Mario Kart sans des armes. Donc, il y a des objets encore, des objets qu'on peut récolter. Il y a les objets classiques, les champignons, carapaces, étoiles, éclairs. Éclairs que j'ai encore haï parce que quand t'es premier, t'en manges beaucoup, des éclairs. Tout le temps pareil. Ah, c'est débile. Ce que j'ai par contre beaucoup aimé, c'est, tu sais, les trois champignons qui tournent autour d'un personnage. Ben, si jamais tu fonces dans le personnage, tu peux y voler un de ces champignons, puis tu peux avoir une poussée d'accélération, puis je sais pas, là, y faire un doigt d'honneur en passant devant lui. Mais ça, j'ai bien gros aimé ça. On a des nouveaux objets, par contre, qui balancent un peu plus les items de la franchise Mario Kart, parce que n'importe qui a joué à un Mario Kart sait que la maudite carapace bleue à épines, elle peut faire jurer. Mettons. Ouais, ça change carrément tout ce que tu as fait dans la course. Là. Tu sais, le premier, oublie ça, là, il ne sera plus où. À moins qu'il y ait vraiment de l'avance, là, ça change la donne complètement. Ouais. Puis, tu sais, je te dirais que, c'est pas pour m'inventer, mais j'ai souvent fini premier dans les courses de Mario Kart 8. Et je me rappelle entre autres d'une piste, j'ai mangé 3 éclairs puis 3 carapaces bleues. Fait que j'ai quand même réussi à terminer premier, là, mais j'ai rushé un peu. Mais là, on peut la détruire, cette carapace-là, avec un nouvel item qui est le klaxon. Donc, si jamais vous avez une carapace bleue qui s'en vient... Elle est sensible aux ultrasons. C'est ça que tu me dis. Ouais, c'est ça, exact. Wow! On peut le voir comme ça. Fait que, dans le fond, on peut détruire... Le klaxon, il est rarissime, OK? Vous allez pas le pogner souvent, mais quand vous allez le pogner, gardez-le, parce que si jamais vous mangez une carapace bleue, ben, vous allez pouvoir la détruire. Puis, croyez-moi, la première fois que vous allez détruire une carapace bleue, vous allez crier de joie. Ça, c'est clair. On a aussi, moi, un de mes objets préférés, c'est la plante Piranha de Super Mario 3D World. En fait, ce que la plante Piranha fait, c'est que elle est sur votre carte ou votre véhicule, peu importe, et à chaque fois qu'elle va fermer les mâchoires, elle va vous donner une poussée d'accélération. Donc, elle ferme les mâchoires sur vos adversaires, donc pour les faire sortir de piste. Elle gobe aussi les sous. Mais à chaque fois qu'elle va fermer les mâchoires, vous allez avoir une poussée. J'ai aimé ça parce que c'est un homme qui sert, mais qui peut aussi... nous nuire, tu sais, dans le sens que si jamais elle décide de fermer les mâchoires quand vous êtes dans un virage, ça se peut que vous ramassiez ça dans le champ. Dans le décor. Dans le décor, dans un beau mur. On parlait des véhicules, j'ai été déçu dans le sens où ça apporte des modificateurs qui sont assez classiques à la franchise Mario Kart. Moi, j'ai été déçu de voir que les éléments de personnalisation qu'on peut débloquer en solo, ça n'a pas vraiment d'impact, sauf pour l'esthétique. Bon, on peut encore conduire des karts, des voitures, des motos, et on a ajouté le VTT pour Mario Kart 8. Par contre, les modificateurs que les différents types de véhicules apportent, c'est classique à la franchise Mario Kart. Même chose au niveau des personnages. Donc, si vous avez une moto, ben les virages vont être un peu plus secs. Puis, si vous avez un personnage qui est plus lourd, ben son accélération va être plus puissante, mais sa vitesse globale va être un peu plus lente. J'ai été déçu de voir que, contrairement à Mario Kart sur Game Boy Advance, tu sais, les caractéristiques du véhicule changent pas en fonction des pièces qu'on va équiper. Donc, c'est le fun de débloquer. Il y a beaucoup d'objets de personnalisation à débloquer pour les véhicules, mais globalement, c'est des changements esthétiques beaucoup plus qu'au niveau de la jouabilité. Donc, j'aurais aimé ça peut-être qu'on réintroduise le système de caractéristiques de véhicules en fonction des pièces qu'on veut mettre sur notre véhicule. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est ce qui m'a aussi déçu au niveau de la portion solo de Mario Kart 8, dans le sens que au niveau de la sélection des personnages aussi, c'est un peu décevant parce qu'on sent un manque d'originalité par rapport à au personnage qui est possible d'être débloqué. Dans le sens que le personnage le plus excitant là, que vous allez débloquer, c'est Peach en or rose. Je sais pas, là, mais moi ça... Arrête, le poil me retrousse. J'ai comme vraiment le goût d'atteindre cet objectif. Puis moi, mes cheveux ont recommencé à pousser. Cesse de me titiller ainsi, j'ai beaucoup trop le goût. Ah, c'est... Tu m'excites. C'est décevant, malheureusement, c'est décevant. Puis c'est décevant parce que je pense qu'il y a 20 ou 24 personnages, puis il y en a à peu près 8 là-dedans, que c'est les fameux Koopalings. Moi, les Koopalings, depuis la création de la franchise New Super Mario Bros., je commence à en avoir une écœurantite aiguë. Donc, de voir qu'il y a une bonne portion des personnages à débloquer, que c'est les 8 Koopalings, j'ai été déçu à ce niveau-là aussi. Au niveau de l'offre en solo, il y a 4 modes au total en solo. 3 sont relativement intéressants et il y en a un qui est plutôt banal, voire même très décevant. Le mode principal, c'est le mode Grand Prix. On retrouve les mêmes 4 modes de difficulté que par le passé, donc pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Et il y a au total 8 coupes à remporter par mode de difficulté. L'autre mode, c'est un mode contre la montre, donc super classique encore une fois, puis on peut partager nos fantômes, on peut aussi télécharger des fantômes de d'autres joueurs, donc ça c'est quand même intéressant. L'autre mode, c'est le mode contre. Ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'on peut établir nos propres règles. Moi, ce que j'ai entre autres apprécié, c'est le fait qu'on peut établir des équipes. Donc, vous pouvez jouer 6 contre 6, puis l'équipe qui a le plus de points gagne la partie. On peut aussi établir nos règles en fonction des objets qu'on veut voir. Je vous invite à essayer une course où il y a juste des bombes. Vous allez voir, ça pète de partout. C'est chaotique au bout, mais moi, on dit que c'est le fun. Fait que ça, j'ai apprécié ça. Et la grande déception, c'est le mode battle. Donc, le mode bataille avec les fameux 3 ballons en arrière des cartes. Vous allez me dire, ouais, mais ça a toujours été le fun dans les Mario Kart. Oui, mais pas dans le 8. Parce que dans le fond, dans le 8, le problème, c'est que plutôt qu'à avoir conçu des arènes, on a juste importé le mode battle dans les circuits du mode Grand Prix. Donc, ça fait en sorte que les environnements sont beaucoup trop ouverts pour ce type de... pour en fait, le style de jeu qu'on met de l'avant dans le mode battle, on cherche... trop longtemps ses adversaires. On a de la misère à les viser. C'est pas le fun. On aurait dû vraiment concevoir des arènes pour ça. C'est malheureux, mais c'est ça. Je vais terminer sur deux éléments. Le multijoueur. Le multijoueur, évidemment, super solide. On peut jouer localement. À 4 joueurs, le jeu a tendance à laguer, je vous avertis. C'est moins le fun sur un écran divisé parce que le jeu a tendance à ralentir. Par contre, en ligne, on peut jouer seul. On peut jouer à 2 sur la même console contre d'autres joueurs en ligne. Donc ça, c'est le fun. On peut créer nos tournois en ligne avec nos propres règles. Évidemment, moi, quand j'y ai joué, le jeu n'avait pas encore été lancé, mais il y avait quand même un bon nombre de tournois en ligne organisés par les joueurs qui avaient déjà leur copie. Donc, intéressant à ce niveau-là. Un peu déçu par rapport au mode Mario Kart TV qui nous permet de voir des reprises de d'autres joueurs. Le problème, c'est que le jeu sélectionne juste quelques moments forts dans les courses, puis on met pas assez d'options par rapport à la personnalisation des reprises. Je vais vous dire, par rapport à d'autres jeux de course, c'est pas seulement limité, ça fait dur. Donc, Mario Kart TV, raté. Et je vais terminer en vous parlant du graphisme. C'est dur de pas en parler dans Mario Kart 8. C'est vraiment un très, très, très beau jeu. Il y a de la couleur partout. Il y a une explosion. Tu sais, les Skittles, c'est une explosion de saveurs. Mais là, c'est une explosion de couleurs. C'est le lifesaver des jeux. Il y a toutes les 8 couleurs du monde. Non, il n'y a pas... en effet. Mais c'est ici, je fais une joke en référence au pub de fromage. Hein. Je suis pas un cave, là. Oh non? Je tiens à spécifier. Je ne suis pas un cave. OK, c'est beau, Jean-Benoît. On va te croire presque sur parole. OK. Mais c'est très, très, très beau. Luc parlait de Kirby tantôt avec l'effervescence de couleurs. Ben, c'est la même chose dans Mario Kart 8. Il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup d'effets spéciaux aussi. Beaucoup d'effets de lumière. Vraiment un très, très, très beau jeu. Ça va faire tourner des têtes chez vous. C'est juste plaisant de voir Mario Kart 8. Autant sur notre écran que sur notre gamepad. Parce que le jeu peut entièrement jouer sur le gamepad. Et si jamais vous jouez pas sur votre gamepad, ben sachez qu'il y a d'autres options qui peuvent être utilisées par rapport au gamepad, dont la possibilité de voir la piste au complet et de voir notre distance par rapport aux concurrents. Donc, moi, je trouve que dans Mario Kart 8, on a fait une bonne utilisation du gamepad. C'est un exemple à suivre pour un studio qui voudrait apporter un jeu de course sur Wii U. Bon, il n'y en a pas beaucoup, là, mais on ne tira pas trop fort. Mais si jamais... il y a une compagnie qui veut développer un jeu de course. Je pense que l'exemple de Mario Kart 8 au niveau de l'exploitation du gamepad peut être suivi. Donc, bon jeu globalement. Quelques réticences. Je pense pas que c'est le grand sauveur de la Wii U. Je pense que c'est un jeu qui est assez conservateur, prend pas beaucoup de risques. Mais c'est clair que c'est un jeu qui va pogner. Puis je pense qu'on va le retrouver dans des compétitions multijoueurs aussi dans le futur. Ouais, non, c'est ça. Fait que voilà. Ah, c'est cool. Donc, un bon jeu, mais il manque la petite coche pour aller chercher des ventes de consoles. Ben, moi j'y mets un 8 sur 10. C'est une très bonne note. Sauf que, comme je te dis, c'est pas avec ça que tu dis « Hey, ça me le prend absolument, puis je vais acheter une console pour... » Juste pour ça, non. Voilà. Moi, honnêtement, j'aurais plus acheté une console pour Super Mario 3D World que pour Mario Kart 8. Donc, voilà. Ceci est un statement. Oui. Merci beaucoup, Daniel. Moi, je vais y aller avec Trials Fusion. C'est une série de jeux que je suis depuis les débuts. J'adore ça. J'aime cette jouabilité minimaliste du gaz, du frein, donc deux pitons déjà. Et après ça, tout simplement, ton stick gauche pour mettre ton poids vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà, vous avez une jouabilité à 3 pitons, mais tellement profonde. Ça a l'air simple, ça a l'air niaiseux au début du jeu, mais cette jouabilité-là a une telle profondeur. Moi, je suis complètement tombé accro. D'essayer de faire des pistes parfaites, de ne pas tomber nulle part, d'atteindre les standards de vitesse. J'adore ça. Et quand j'ai vu que Fusion s'en venait, je me suis inscrit à la bêta, j'y ai joué, je l'ai quasiment... J'ai traversé la bêta de bord en bord et je suis arrivé que j'ai fini la bêta. Là, je fais, ça me prend le jeu, ça me le prend, je le veux là. Et le jeu sortait quelques temps après et je recommençais comme si de rien n'était, tel un pathétique que je suis parfois. Donc, Trails Fusion, c'est développé encore par Red Lynx pour Ubisoft, bien entendu, qui distribue le jeu. Il est disponible sur toutes les consoles. On parle ici là, de 360... Toutes les consoles, hein, pas tout à fait toutes. Là, 360, la One, PS4 et sur PC. PC seulement téléchargement, soit dit en passant. Donc, il n'y a pas de version boîte du jeu. Et aussi, autre fait à noter, il est beaucoup moins cher en version téléchargeable qu'en version boîte. Pour une fois qu'il y a un jeu qui le fait, je trouve ça important de le noter. Je l'ai vu en magasin et on parle ici de 10 à 15 piastres supplémentaires, dépendamment des endroits où vous le magasinez. Donc, ça va à peine d'y aller avec une version téléchargeable. Vous allez avoir le même jeu, sauf pas de boîte. Tu sais, vive l'environnement. Ouais, mais si tu sauves l'argent, ça vaut à peine. Ben, c'est ça. Ils ont le don de vendre le jeu le même prix. C'est qu'à un moment donné, ben, tant qu'à payer carrément le même prix, donne-moi quelque chose que je vais tenir dans mes mains. T'sais. Donne-moi une boîte, donne-moi un livret, donne-moi quelque chose. Ben oui. Ce jeu-là, comme vous voyez, je porte un amour envers cette série-là. Je veux l'aimer. Je veux y trouver toutes les qualités du monde. J'en ai trouvé quelques-unes, mais j'ai aussi trouvé plusieurs irritants. C'est depuis le début de la série, c'est le volet que j'ai le moins apprécié. Ça n'en fait pas un mauvais jeu, en mon sens à moi, mais c'est quand même pas le meilleur. On a ajouté des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû, et on a peut-être mal calibré certaines choses. Je vous explique. Dans les trucs nouveaux, ben, le design, hein, c'est toujours un jeu extrêmement joli, mais là, on a raffiné les environnements. On se retrouve dans un univers un peu futuriste dans certaines pistes, avec des plateformes volantes, du fluo. C'est très grandiose. On va utiliser des... Dans le fond, notre moto, on se dirige pas gauche-droite. Là. On va vers l'avant et c'est tout. Là. Mais on réussit à faire des courbes dans le jeu. On réussit à faire certains plans de vue. La caméra se positionne à certains endroits qui amènent à avoir une perspective extrêmement grandiose de certaines parties des courses. Ça, c'est fort agréable. C'est toujours bien pensé, bien positionné. Des fois, on fait des sauts là, et le personnage fait comme... Ah! Il se met à crier comme il y a la chienne lui aussi. Tu fais comme wow, on a réussi à m'amener ce sentiment de c'est vertigineux. J'aime ça, j'apprécie ça énormément. Le gameplay est toujours aussi savoureux, aussi simple, mais aussi profond qu'il l'était depuis le début. On ne change pas une formule gagnante, on n'a pas rajouté de piton tout d'un coup là. Oui, mais pas tout à fait. En tout cas, je vous en reparle. Difficulté, il y a beaucoup de gens qui ont dit hein, il est beaucoup plus dur que les autres. C'est pas tout à fait vrai. Il y a toujours eu un mode vraiment, tu sais, pour les spécialistes là, qui est extrêmement dur, que même après, avec tout mon amour, je suis pas capable de passer. J'y mets du temps, mais à 150 essais, j'arrête. Tu sais, d'habitude, j'atteins mon Waterloo dans ce coin-là. Un gars comprend, tu sais, qu'il est pas capable. Moi, c'est 150. Tu sais, j'aime ça, je me donne du trouble. Mais bon, à un moment donné, je décroche. Sauf que dans celui-là, c'est graduel, mais la difficulté vient quand même assez vite. Et des gens qui, dans le dur, dans le difficile, auraient de la misère, ne seraient pas capables de passer des pistes, oui, auraient l'impression que le jeu est plus dur. Sauf que dans les autres versions, les niveaux de difficulté sont les mêmes. C'est juste qu'on arrive moins vite à ce niveau de difficulté-là. Mais quand on arrive à difficile, moi j'ai du challenge, je suis capable de passer, mais j'ai besoin de certaines reprises. Ben, t'en as plus de ce niveau-là. Donc, il y a plus de pistes, plus longtemps, un niveau de difficulté plus élevé. Moi, j'ai pas trouvé que c'était nécessairement plus dur. C'est les mêmes niveaux de difficulté, sauf exploité un peu différemment. C'est pas le même balancement du nombre de pistes de chaque niveau là, que ce qu'on avait auparavant. On a ajouté des figures. Donc, un autre bouton. On peut faire des figures, des Superman, tu sais, toutes les figures acrobatiques qu'on peut faire en motocross, on les débarre à un certain moment dans la quête solo et on va nous demander dans certaines pistes de faire des missions secondaires, de placer telle figure à tel endroit. Ça peut devenir un peu compliqué là, de savoir quelle figure on l'a fait comment. Il faut les apprendre par cœur. Les figures, c'est assez simple. Il n'y a pas de combinaison de boutons. Là. C'est l'autre stick, celui de droite, sur votre manette. Vous le positionnez à certains endroits. Vous lui faites faire une courbe. Puis c'est tout simplement ça. Là. C'est pas tellement compliqué. Le bonhomme fait la position, là, fait la prise par lui-même. Là. Mais son Dieu, les missions secondaires. Ah oui, et c'est une belle nouveauté. Je trouve l'idée intéressante. Dans bien des cas, c'est le fun. On va demander, on va reprendre certains principes des jeux précédents. On avait des modes de jeu secondaires, exemple ta moto s'enflamme, puis là ça devient comme une fusée, mais tu dois, tu sais, amener plus de propulsion. Tu dois tomber dans une autre bonbonne de gaz ou à la faire de même pour avoir du pouvoir pour te rendre jusqu'à l'objectif, la zone où tu dois te rendre. Ben là, dans une piste, tu vas avoir, mettons, ce défi-là qui est incrusté à l'intérieur. Je trouve ça cool, je trouve l'idée intéressante, mais oui, ils sont durs et ils sont parfois extrêmement mal présentés et expliqués. Entre autres, je les ai pas toutes nommées, là. Je les ai pas toutes sorties, là. Ben, Mané, on dit, fais un petit somme au sommet du drapeau. Il est où le drapeau? C'est quoi un petit somme? C'est pas clair, tu sais. c'est comme tellement pas clair. Il y en a certains, tu dis, OK, c'est-tu là, c'est-tu pas là? Et souvent, ben, tu vas en avoir trois par piste à faire et ils vont te donner un petit bonus d'XP qui est vraiment pas gros, soit dit en passant. Ne courez pas après ça pour monter de niveau parce que en passant, les niveaux, ça sert pas à grand-chose sinon à péter de la broue envers tes chums. Là. Si vraiment vous avez une compétition de level dans Trial Fusion, bravo champion, je vois pas à quoi ça vous sert, là, mais tant mieux. On peut débarrer là, des motos, des skins, des bots, là, des affaires même, de l'esthétique, là, mais c'est à peu près tout. Donc on va avoir de l'XP, mais pas beaucoup. Et comme on en a trois, ben on va les étendre sur la grandeur de la piste. Et des fois, t'en as là que c'est bien ben loin dans le niveau. Puis là, ben, si tu tombes, faut que tu recommences. Fait là, soit tu recommences d'eau complète de la piste ou tu recommences au dernier checkpoint. Ça peut devenir compliqué d'atteindre la zone de la mission secondaire. Il y a certaines missions secondaires, ça va complètement débloquer une partie de la piste que tu n'aurais pas accès autrement. C'est le fun, c'est une belle idée, mais de la façon que c'est mis en place, c'est peut-être pas nécessairement maximisé. J'aurais voulu qu'on ait plus d'indications que ça. Dans les trucs plus négatifs, une des affaires qu'on fait régulièrement dans ce jeu-là, c'est de recommencer une course. C'est de l'essai erreur. On pèse souvent sur le select ou je pense que c'est le B pour revenir au dernier checkpoint ou recommencer la piste du début parce qu'on veut réussir les épreuves, les timings, t'sais, on a des objectifs et on recommence souvent. C'est un jeu qui est très technique, donc veut, veut pas, on reprend souvent. Eh bien, il y a certains niveaux. Et là, fouillez-moi pourquoi. Ça a l'air d'une bonne idée là, sur le papier, mais dans la réalité, en recommençant augmenté. Tout le temps, ouais, dans la réalité augmentée, ça ne fait aucun sens et c'est vachement achalant. On a rajouté des voix dans le jeu. Ouais, exemple, ouais, dans un niveau, ça dit « Hey, I'm Sally, welcome » en anglais, la longue phrase d'à peu près 30 secondes. Imagine, tu fais le niveau, tu essaies de faire la piste sans erreur, tu es tout le temps en train de recommencer, puis « Hi, I'm Sally. Welcome to the... » Ah, bâtard. Ça devient fatigant. Ça devient vraiment fatigant. Assez que tu vas dans les contrôles, tu vas fermer le son de la parloteuse parce que t'es capable, je veux lui arracher la tête. C'est tellement une mauvaise idée, une fausse bonne idée. Là. C'est ça fait longtemps que j'ai pas vu une idée de même me tomber sur les nerfs. C'est flagrant. Là, au début, tu fais comme « Ah, c'est cool, ils me disent bonjour. » Tu sais, quand il y a des explications pour des nouvelles techniques, ça va, tu sais, c'est correct, ça, c'est une bonne place. Mais dans un niveau que je vais recommencer 12 millions de fois, non, ne fais pas ça. Non. Ouais. C'est ça le problème, c'est, et dans le fond, je pense qu'on a voulu intégrer comme une sorte d'histoire, entre guillemets. Ouais, mais on met des gros guillemets. Oui, des gros guillemets, mais en même temps, c'est... Elle répète tout le temps la même chose. Ah, c'est fatigant, là. Et c'est parce que juste la première mission, vous risquez de la recommencer une couple de fois. Puis, à un moment donné, on le sait, là, qu'elle s'appelle Sally. Ah oh, oui, hey, I'm Sally. Alors, ouais, je pense que, tu sais... c'est fatigué. Bon, ceci étant dit, il y en a d'autres, des défauts, ce n'est pas le seul. La parlotte, comme je vous disais, ça, tanné. Il y a des lags dans certains débuts de course. On va avoir des débuts de course où est-ce que tu vas arriver sur une plateforme, elle va s'ouvrir sous tes pieds, puis là tu vas on te met une mise en situation. D'un, on aurait pu enlever ce bout-là, ça donne pas grand-chose. Puis en plus, souvent, il y a des lags avec l'affichage des textures qui se font au fur et à mesure que tu avances. C'est poche! Oui. Pour un jeu de vitesse, pour un jeu de détail de même, quand tu vois ta moto qui coche, puis que tu essaies de contrôler, c'est pas le fun. Puis au nombre de fois que tu recommences, t'es tout le temps en train d'enloader tes patentes. J'avais ce pépin-là dans bêta et il a survécu. Ça me fait capoter. Il y a une mission, entre autres, c'est comme une trappe qui saute. Là, tu ramasses dans comme un complexe secret sous terre à tous les fois. Ça me prend 5-6 démarrages de la piste avant qu'elle soit bien correcte loadée. Là. Puis après ça, est correct. Là. Mais c'est désagréable à voir. Genre d'affaire que dans une version finale de jeu en 2014, surtout que c'est une piste, là, elle ne dure pas 20 millions de kilomètres. Là. Ça dure, mettons, 2 minutes à pleine vitesse. Là. Come on, load-moi là comme du monde. Surtout que les loadings à certains endroits sont quand même assez longs. Juste voir les designs des motos, moi, sur PC, je joue sur PC, c'est extrêmement long avec les designs de motos s'affichent. Je comprends pas, je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher l'information, que ce soit long de même, mais 99% du temps, je choisis ma moto sans la regarder parce que jamais affichée. C'est vraiment bizarre. Je comprends pas le pourquoi. T'es assis sur le nez, hein? Ouais. Non, mais, non, mais dans la course, c'est là. Ça est passé dans le jeu final, parce que surtout que tu l'as vu dans la démo, donc les bêta-testeurs... T'es censé, là. On a dû lui dire, puis qu'ils ont pas catché que c'était ça qu'on voulait dire. Je sais pas. Je sais pas dans quelle faille du filet que ça a passé, mais ça s'est rendu jusqu'à la version finale. Heureusement, il y a encore des... Tu sais, aujourd'hui, avec l'Internet, ils peuvent patcher ça. J'ai bien hâte. Je trouve ça incompréhensible là, pourquoi que c'est encore là. Tu sais, les motos, je dis qu'ils affichent pas, c'est dans les menus de sélection, là, c'est pas dans la course. Là. T'es pas assis dans le vide. Non, elle affiche dans la course. Là elle est correcte, elle est là, elle est présente. Mais quand je veux la sélectionner, c'est une moto à la fois, là. Il affiche okay. pas. Peut-être un problème de compatibilité avec la carte graphique. J'en ai aucune idée. Je sais pas si y a de nos auditeurs qui l'ont sur d'autres sur les consoles de salon. Dites-moi, est-ce que vous ça s'affiche comme du monde? Je veux savoir. Oui, que... je te confirme. Ah ouais, ça load comme du monde? Non, ça load pas comme du monde. Bon, non, Luc, fie-toi à moi, Esther. J'ai essayé sur Xbox One puis j'avais le même problème. Voilà. Seigneur, ok, là on parle plus de la même affaire. Là. Yes. Je parlais d'endroits dans les courses où est-ce que les missions secondaires vont vous amener à essayer d'autres zones de parcours qui sont différents. Il y a une course, entre autres, où est-ce que tu dois te laisser tomber sous un certain angle entre deux choses pour pouvoir arriver à bonne hauteur. Bon, une affaire bien spéciale pour arriver dans une zone spéciale où on va te demander de faire telle manœuvre, ok, bien spéciale. Et une fois sur deux, la moto, elle se démembre complètement. Je ne sais pas comment ça se fait que ça a pu passer au conseil, surtout que c'est une mission secondaire, donc tu dois l'implanter dans le jeu, et je ne comprends pas pourquoi que le bonhomme, là, tu sais, comme on voit dans le développement d'un jeu, là, ils vont trouver ça, là, les bugs, là, le bonhomme et la moto se démembrent complètement, les jambes font 12 pieds de long, les roues sont plus dans le bon ordre, la moto se brise complètement, ce qui est pas censé arriver dans le jeu. J'ai vécu ça de façon assez récurrente, donc c'est un bug, là, c'est pas un glitch, une fois de temps en temps, ça load mal. Non, c'est assez récurrent. Toujours à la même place, j'ai eu ce genre d'occasion-là. Puis, quand je disais que des fois, les missions secondaires sont loin dans le tableau, tu recommences, c'en était une. C'est une situation où est-ce que, une fois sur deux, j'essayais d'avoir le sans-faute dans la zone secondaire et que la moto se démembrait. Il fallait que je recommence, puis j'étais à genre 1 minute 15 de la piste. Là. Pas ouais. Le fun, tu sais. Un peu plate. Là. Mettons. Ouais, et en plus, y a parfois des mini-jeux qui sont pas clairs. Dans le déroulement du jeu solo, tu vas avoir tes pistes que tu dois faire, puis tu vas avoir une épreuve spéciale à la fin. Il y a des fois, on va te demander, genre, botte l'aile pour essayer de voler. Jamais t'es capable. Je sais pas, on m'indique comment, c'est quoi les pitons. Jamais. Mon bonhomme, il a jamais volé. Fait que j'ai une note de bouette, puis je m'en contente. C'est le jeu qui bat de l'aile, c'est ton bonhomme. Des fois, puis il y avait ça aussi dans le jeu précédent, mini-game de genre-là, que j'ai jamais compris comment faire. On me l'explique pas vraiment, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas. Puis tu sais, ça dure comme 3 secondes quand tu n'es pas capable de voler et tu te plantes, là, tu sais, ça prend 3 secondes, tu n'as pas ben le temps de faire des essais, tu sais. Mmh. Fait que donc ça c'est dans les ratés. Somme toute, j'ai eu du fun, j'ai eu du gros plaisir avec ce jeu-là, malgré ses défauts. assez important, je vous dirais, et ça aura un impact tout aussi important sur la note. Et je vous le dis, là, j'aime cette franchise-là et ça me fait mal au cœur de donner une note de genre-là. Je donne un 7 et normalement, j'aurais donné un 8.5 si on avait fait un copier-coller du jeu précédent. Là. Un 7, c'est quand même la note de passage. Oui, mais c'est parce que j'ai eu du fun. Là. Puis le jeu n'est pas complètement brisé. Il y a des belles qualités. Là. Le mode multijoueur, que d'ailleurs, j'ai pas testé, mais qui semble fonctionner assez bien. D'avoir mis des missions secondaires, je trouve ça intéressant. D'avoir voulu intégrer une simili-histoire, c'est un plus. T'sais. On a voulu générer du nouveau contenu dans le jeu. Mais il y a des failles, il y a des pépins qui peuvent être améliorés. Et si j'avais eu une version avec les améliorations, la note aurait été conséquente. Mais là, je les ai pas. Fait que la note suit. Donc, je vais avec cette note-là. Si vous êtes amateur des jeux précédents, allez-y. Il est pas super cher. Vous allez l'avoir à 19,99. Dundee, à un moment donné, peut-être beaucoup moins cher. Donc, tu sais, passez pas à côté. Là. Vous allez avoir du fun. Vous allez retrouver le même fun que dans les jeux précédents avec des nouvelles pistes, avec des bonus, des choses en plus. Mais il a des défauts quand même importants. Ouais, ben, je te dis, je suis pas un grand amateur de Trials. Dans les précédents jeux, je sais pas, j'avais jamais accroché. Peut-être parce que j'ai pas assez joué. Le genre de jeu que moi je ressors une fois de temps en temps, là. Ben, c'est ça, tu sais. Peut-être que, tu sais, faut que je m'y plonge un peu plus. Parce que j'avais trouvé la technique et physique assez spéciale, mais j'avais entendu des super bons commentaires, sauf que j'ai jamais eu l'occasion d'y revenir. Fait que je me suis dit, bon, je vais donner quand même une chance à Trials Fusion, tu sais. Vu la réputation de la série, mais. C'est pas pour rien qu'ils sont rendus au troisième, là. C'est parce qu'il y a un public, puis. Oui, absolument. Puis je connais du monde que. Dont toi, qui ont trippé en maudit. C'est juste que je trouvais des affaires tellement bizarres dans Trials Fusion. Je sais, entre autres, là, qu'il y a des missions secondaires qui donnent accès à des mini-jeux. J'ai pas compris pourquoi. Tu sais, c'est. Il y a entre autres on s'entend, t'es en moto, là. Ouais. Mais si tu fais une certaine mission, tu vas te mettre à jouer au tennis. J'ai rien compris. Il y a de la folie dans ce jeu-là, puis c'est censé être un plus, tu sais. Il y a certains endroits, c'est mal expliqué, c'est pas clair, c'est tellement rapide que t'as pas le temps de prendre en main, t'sais, de t'habituer, puis que tu passes à côté de tout le fun. Il y a comme un délire de développeur, puis ça, je trouve ça cool, t'sais, d'avoir encore des boîtes comme ça qui se permettent, t'sais, d'y aller à fond dans les idées, t'sais. Mais, ouais. T'sais, faites qu'on les comprenne, t'sais. Faites que ce soit agréable au final, là. T'sais, vous autres, vous comprenez votre balloon, là. Ce serait le fun qu'on puisse embarquer dans le trip, là. Moi, malheureusement, j'ai trouvé beaucoup plus frustrant que plaisant. J'ai souvent entendu ce commentaire-là. Puis je comprends ceux qui... Faut apprécier, faut tomber dans la marmite quand on était jeune, je sais pas. Faut avoir un cerveau qui fonctionne en binaire. Whatever, t'sais, je sais, peu importe là, le pourquoi. Moi, j'aime ça, j'adore ça. Mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Là. C'est clairement pas grand public. Il y a une certaine souche de la société. On doit être fait bizarre, mais moi, j'aime ça. Bon, Luc, bouge tes oreilles, là. Bon, Jean-Benoît, faut être comme toi, un être d'exception. Oh. Merci. Être d'exception comme je suis, j'ai besoin de vous autres faire un beau show et je veux savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a le goût de vous jaser puis suivre vos différents matériels. On va commencer avec toi, Daniel, vu que t'es fin. Ah, oh, merci beaucoup. Sur beaucoup de médias où vous pouvez me retrouver, donc évidemment, il y a Réalité Augmentée. Il y a aussi le site m2gaming.ca, donc sur lequel je collabore pour couvrir les produits de Nintendo, et épéelegendaire.com, où je couvre surtout de l'actualité du jeu vidéo et où je publie des fois des critiques, et affairesdegars.com, où je publie des critiques et des articles de criminalité. Sporadiquement. Sinon, sur Twitter, @DracoADG, mon nombre de followers n'a jamais été aussi élevé. J'en suis heureux. Des fois, je pleure de joie. Donc, c'est pas mal les endroits. Oh, relax. Il pleure de joie. Calme-toi. C'est grâce à toi, Jean-Benoît. Je te rappelle que quand on s'est connus, j'étais à 99 abonnés. Ah ouais, puis là, t'es rendu à combien? Je suis rendu à 425. 424, selon ce que je vois. Oh, 424. Ouais, j'en ai perdu un aujourd'hui. Ouais, quelqu'un qui a allumé. Ouais, c'est ça. Non, que compris. Ah, c'est... Ah, je suis sûr que c'est Luc. Hein. Ah, c'est... Ça serait tellement hot. C'est Luc. Enfin, il a allumé. C'est... Ben, c'est... Bref, trêve de plaisanterie douteuse. Donc, c'est là où vous pouvez me trouver. Parfait. Toi, Luc, de ton côté, monsieur Poffin. Sur Twitter, Ascalazormo. Sur Google Plus aussi, de temps en temps, je m'échappe puis j'écris quelque chose. Donc, il y a par sur erreur. Google Plus, ouais, par erreur, des fois. Vous pouvez me trouver sur, je pense, c'est Luc Desormeaux. Quand son chien passe sur le clavier, ça va tout le temps sur Google Plus. Ça va sur Google Plus. Des fois, je m'enferme, j'en mets piton en checkant mes emails. Je me ramasse sur Google Plus. Vous avez tant qu'à être là, m'a publié quelque chose. Sinon, il y a le podcast auto. Puis nous entendre là, moi et Jean-Benoît, parce que c'est Jean-Benoît qui anime. La job sale. Moi, je gère aussi le compte du podcast auto sur Twitter, donc vous pouvez aussi m'écrire là. Et puis, vous pouvez aussi me lire à chaque jeudi. J'écris pour le blog de Kijiji à frkijijiblog.ca. Puis, à chaque semaine, je poste un article sur le monde de l'automobile. Donc, vous pouvez aller me lire là si ça vous tente. Puis toi, JB? Ben moi, j'ai mon compte à moi personnel sur Twitter, @gangj_b. Sinon, ben je gère les comptes officiels de la réalité augmentée, @realitéhog sur Facebook, facebook.com/realitéhog. Cherchez-nous sur ces réseaux sociaux. Là, on est présent. On a une adresse courriel, podcast realitéaugmentée@gmail.com et un site internet realitéhog.com. Et il y a des grosses nouvelles qui s'en viennent pour la réalité augmentée d'ici quelques semaines. On sera en mesure de vous dévoiler qu'est-ce qu'il y en est. Le futur est rose, comme Kirby. Ah, pas rose, c'est pas ma couleur préférée. Enlève les lunettes. Si elle est avec d'autres choses que rose. Ben non, mais c'est ça l'expression consacrée, là. C'est pas de ma faute. Ok, d'abord. Parce que si tu veux y aller avec ma couleur préférée, la noir. Vie est en noir. C'est ça. Marie-Carmen sort de ce corps. Donc, c'est à suivre. On vous tiendra au courant de qu'est-ce qu'il y en est au moment opportun. Sinon, ben, on vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes qui nous accueillent au moment où est-ce qu'on se parle. La zone technoculturelle, Podium Radio, Radio H2O. On est partout. Podcast France. D'ailleurs, on salue les gens du vieux continent qui nous écoutent et tous les autres. Merci d'être du rendez-vous. J'espère qu'encore une fois cette semaine, vous avez apprécié la run et ben, on se dit à une prochaine fois, hein, pourquoi pas. Donc, au plaisir de se reparler. Salut tout le monde! Bye! Bye! Bye-bye!